Ah non, il est en train de capoter, là. Monsieur Savoie, là, ça va plus, là. C'est pas drôle, là. Il est prêt à n'importe quoi, ce gars-là, là. Comprenez-vous pourquoi on veut plus y parler? On a peur de ce gars-là. On veut plus y parler. Qu'est-ce qu'il va vous dire dans 5 minutes après, là? Non, ça n'a pas de sens, ce gars-là, là. T'es dangereux. Aux enquêtes de l'UPAC, il n'a jamais travaillé chez Raymond Chabot et n'a jamais frenché François Bonnardel. Non, il ne ferait pas une très bonne Nathalie Normandeau, mais fait tout un animateur. Voici Jean-Philippe Beaune. Oh boy! Hey! Gournine! Hey, hein? Colin! Si on le gagne pas, l'Olivier, je sais pas ce que ça prend. Honnêtement, regarde. Hey, bonsoir tout le monde, il est à peine 19h, la soirée est encore jeune, ce qui va nous laisser amplement le temps de nous remettre de toutes ces rumeurs entourant Nathalie Normandeau. Franchement, Fred Savard, bonsoir. Bonsoir. Hey, ça n'a pas de bon sens. Êtes-vous tombé en bas de votre chaise quand vous avez appris qu'elle serait peut-être le cerveau d'une conspiration criminelle? C'est l'aspect cerveau, moi, qui m'a saisi. Mais sinon, non, pas tant que ça, sincèrement. Ah, vous n'êtes pas tombé de votre chaise? Non, c'est ma chaise qui est tombée d'elle-même. Ah oui? Ouais. Vous avez la chaise molle. On va se le dire, c'est pas très, très gentil ce qu'on lui fait à la Madame Normandeau. C'est vrai. Franchement, là, c'est juste des rumeurs, ça. Hein? Oui. Vraiment pas cool, non. Ça. C'est pas très cool pour la madame. Assez poche-poche, c'est parce même. Que c'est une femme, Jean-Philippe, je vais vous dire. Ça, c'est ouais. Clair. Si ça avait été un homme, ça serait pas passé pareil. Non. Oh, on non. Dit sexisme. Oui. Franchement, là, prenez l'autre député libéral visé par l'UPAC, là. C'est curieux. On connaît pas son nom. Ben non, hein? Il faut pas le dire. Non. Si c'était une femme, on le saurait. Mais hein? Puis elle s'appellerait Nathalie Normandeau, ben sûrement. Ouais. Ah boy. Hey, vous rappelez hein, quand elle avait démissionné, Nathalie Normandeau? Non. Hein, elle avait remercié Jean Charest parce qu'elle avait dit qu'il lui avait tout appris. Ah. Hein? Un grand professeur. Ah mon Dieu. Il y a quelqu'un du public qui n'a pas fermé son cellulaire. Hé hey là là. C'est peut-être Jean Charest. C'est un musicien en plus. Hein? Savez-vous ça? Enfin. Hey, un autre exemple. Un peu louche. C'est Élise Thibault. Oui. Vous l'avez suivi, ça, hein? L'ex-lieutenant-gouverneur. C'est la même chose que... Ça, c'est la même affaire, ça. Ben oui. Hey. Non, non, mais on est aussi injuste, oui. Parce que si elle s'appelait Gérard Thibault, là, on n'en parlerait pas du 5 000 $ de viande qu'elle s'est fait rembourser. Ben non. 5 000 $ de viande. Hey, la madame accueille les ambassadeurs du Botswana. Ça mange pas du steak menu, ce monde-là. Ouais, c'est vrai. Hein? Ça, ces ethnies-là, ça mange la viande raffinée, ça. Hein? Du lion, du gnou. Du gnou. Du gnou. Hey, ça se trouve pas chez Maple Leaf, du gnou. Ben non, voyons donc. Franchement. Des petites tranches de gnou. Voyons. Non, mais sinon, quoi d'autre? Il y a les inondations au Québec, évidemment, ça c'est très inquiétant. Ah, vous oui. Avez vu ça, il y en a partout. Hein, ouais. Allez, à Mégantic, ouais. C'est encore plus grave. Tout le vieux pétrole là, remonte à la surface là, à cause de. Maudit printemps qui ramène son lot de vidange. Hein? C'est clair. Peut-être ça qui s'est passé au Parti libéral. Hein? Oui. Une crue des eaux. Une crue des eaux, mais l'UPAC les a pas crues. Non! Elles peuvent pas toutes être drôles. Mais le malaise fait rire parfois. Oui, tout le temps. Hey, parlant de débordement, il y a l'équipe de Mélanie Joly qui a essayé de se faire rembourser de l'alcool et des petits massages dans des spas pendant sa campagne électorale, franchement. Ils appellent ça le parti du vrai changement. Faites-moi rire. J'avoue que des politiciens sur le party dans des salons de massage, on n'avait pas vu ça depuis. Depuis. Écoute, je vais me lancer. André Boisclair. Et voilà. Ah ouais. Hey, toujours dans le domaine de la bourse, il y a le procès de... Je l'ai dit vite, hein. Il y a le procès de Jocelyn Dupuis qui a commencé cette semaine. Jocelyn Dupuis, vous boy, le savez, hey, c'est tout un gourmet, ça, ce Jocelyn-là. Il fait une bouche. Oui, il s'est fait rembourser 1 600 $ pour un repas chez Saint-Hubert. 1 600 $ chez Saint-Hubert. Non, mais hey, comment tu fais pour monter une facture de 1 600 $ chez Saint-Hubert? Quand t'as pris un poulet entier, là, t'es déjà... Regarde, mettons deux poulets. OK, là. Deux poulets entiers, deux gros cokes de luxe, ouais. 500 $ de frites. T'es même pas sur le bord de pogner 1 600 $. Mais... Ouais. J'ai remarqué les desserts sont chers. Mais pas de joke, le brownie chez Saint-Hubert, c'est hors de prix. Hein. C'est rendu ridicule de manger un brownie. Ah non, moi j'ai fait une plainte l'autre jour pour un brownie. Ah ouais, hein? Moi maintenant, mon brownie, je le mange plus là. Non, hein? Je me suis pris une petite place à brownie. Ah oui? Ouais. Je peux manger mon brownie. Je mange un brownie en toute tranquillité. Un brownie bio? Ouais. Un brownie bio. Moi je vais vous le dire, là. Ouais. Moi je le fais moi-même, mon brownie. Ah oui? À tous les matins avant d'aller au travail. Et je vous gage que vous avez jamais demandé de remboursement pour vos brownies. Jamais de la vie. Et ça. Je serais gêné de me faire rembourser pour ça. Garde, chacun son brownie. Bon. On a clos le sujet, je pense. Ouais. Faites le tour. Sinon, quoi, donc, il y a Régis Labeaume, on l'a entendu en début de d'émission. Il nous a appris cette semaine que l'amphithéâtre de Québec était déjà complété à 35%. Wow, ça avance! Oui, monsieur. Mais là, l'arrivée d'une équipe pour jouer dedans, c'est complété à combien, ça? 0%. Ah! Mais c'est pas négatif, quand même. Non, ça recule pas. Ça a pas reculé. Hein? On reste à des. Puis avec ce qui se passe autour de l'hôtel Concorde, ben oui. Je pense que la mafia va arriver avant les Nordiques. Honnêtement, là. Moi, ouais, sauf que. Oui? Il me semble que la mafia s'installe dans les grandes villes, normalement. Ah! Ah, ben, sont corrects. D'ailleurs, ça me fait penser. Ben, à part Sicile, quand même. Hein. Ah, c'est ça, ah, ben, du village, c'est vrai. Ça me fait penser, là, je sais pas si vous avez vu, il y a Mom Boucher qui s'est fait mettre dehors des Hells. Ben, pas de blague. Se faire mettre dehors des Hells. Mais là, c'est plate qu'il soit trop tard. Ça aurait fait tout un candidat pour les libéraux, ça. Hey! Caline. Au pire, ils le présenteront dans la partielle du comté 127. Ah oui, le nouveau comté. Là, je me demande, c'est situé où exactement? Ah, je pense qu'ils sont en train de le construire. Là, c'est la firme Roche qui s'en occupe. Ah. Ouais. Ça va être beau, j'ai hâte d'aller voir ça. Ouais. Franchement. Heureusement, nos invités de ce soir ne sont pas libéraux. Non. On reçoit d'abord la comédienne. Ben là, on les reçoit. On reçoit la comédienne Edith Cochrane. Woo! On est très heureux. Très heureux. Ah oui, franchement. Hey. C'est une vedette. Paraît que c'est elle qui va prendre la place d'Antoine Bertrand. Oui, ben juste dans Les Enfants de la télé quand même, pas dans Louis Cyr. Ah, pas dans Louis Cyr. Ben, je trouvais qu'elle avait pas la musculature pour écarteler deux chevaux. Oh, ah. On reçoit également le député du NPD, Alexandre Boulris. Très heureux. Très heureux. On est des gros fans d'Alexandre Boulris. Oui. D'ailleurs, c'est lui dont le cellulaire sonnait tantôt. Ah oui, hein? Ouais. Ah oui. Juste le pointer pendant tout le long de l'émission, qui a suffisamment honte, oui. Comme ça. Parfait, oui. Excellent. Non, mais vous savez qu'Alexandre Boulris va co-présider la campagne électorale du NPD, c'est pas rien, ça. Co-présider? Ouais. Mon Dieu, c'est donc bien excitant, ça. Vous aurez le temps d'en revenir, Fred, oui. Parce que la soirée est encore jeune. Yeah! Yeah! Yeah! Oh là là. Olivier! Oui, les gens peuvent nous suivre sur twitter.com/lasoirée, facebook.com/lasoirée est encore jeune et sur notre site radio-canada.ca/lasoirée où ils ne pourront pas voir une photo de notre animateur dans le Journal de Montréal en compagnie du dragon François Lambert parce que je trouvais que ça pourrait nuire à notre réputation de monde. OK, on passe au courrier des auditeurs. D'abord, Simon-Pierre Sirois veut savoir, le courrier des auditeurs va-t-il inclure de réelles questions des auditeurs ou encore des questions inventées par vous? Bien mon dit. Cher Simon-Pierre, ce sont toujours de vraies questions, sauf des fois. Hugo Hood nous dit, il y a des gens qui disent que vous inventez votre propre courrier des auditeurs, vous répondez quoi à ça? Il y a du monde qui dit ça, j'ai jamais entendu parler de ça. Il y a Yann Bergeron qui demande « Pourquoi demander la même chose semaine après semaine quand vous ne lisez qu'une seule question, souvent la moins pertinente de toutes? » Coudon, y a-t-il une rébellion dans le courrier des auditeurs, là? Puis de toute façon, c'est pas vrai que je lis juste une question pas pertinente, là, je viens d'en lire deux. Enfin, Mathieu Yvonne Onge demande « Pourquoi ils ont choisi de flusher les bronzés font de la radio et de garder Cap sur l'été? » Mais c'est parce que dans Cap sur l'été, là, le flamant rose, il parle. C'est une blague sur Mark Hervieux, ça? Je sais pas. C'est une suggestion, Fred. C'est une blague obscure. Je la comprends pas moi-même. Non. Ben, visiblement, personne n'a compris. On va aller rejoindre Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien. Bonsoir. Ah, pas encore votre maudite voix, là. C'est quoi ça? Pas de ma faute, Jean-Philippe. Je suis tellement détendu aujourd'hui, ça n'a pas de maudit bon sens. Mais comment ça, donc? Ben, vous le savez, Jean-Philippe, hein, c'est vendredi saint, c'est un jour férié. Mm-hmm. Alors, je suis pas plus fou que les autres. Je me suis dit que j'allais prendre ça extrêmement mollo aujourd'hui, Jean-Philippe. Ben là, faut travailler un peu. Nous autres, on s'est cassé le bessic. Il y avait pas un choix à Radio-Canada. On était là, nous. On était là. Oui, je travaille. Sauf que je travaille dans un endroit assez relax. En fait, je me trouve en direct du spa Le Dernier Repos Plus Extra. C'est situé à Lavaltrie. Donc, je suis situé ici pour faire mes entrevues là, qui vous parviendront dans quelques minutes, Jean-Philippe. Ben, dans un spa? Ben oui. Mais c'est odieux. J'espère que vous n'allez pas refiler la facture à Radio-Canada. C'est dégueulasse, Jean-Sébastien. Ben, honnêtement, Jean-Philippe... Franchement! En pleine période d'austérité à Radio-Canada, ça, là, vous êtes un chiennard de la pire espèce, Jean-Sébastien. Jean-Philippe? Oui? Je reconnais effectivement que c'est une erreur, mais une erreur commise de bonne foi, Jean-Philippe. Ah! C'est donc ben niaiseux comme excuse, ça. Franchement! J'en parle justement avec l'audacieuse Mélanie Joly, effectivement, Jean-Philippe, qui s'en vient se faire masser avec moi dans quelques minutes. Ah ben bateau! Ben oui. Bye! Notre premier invité, Fred. Comédienne prolifique, on la voit sur toutes les chaînes télé et bientôt sur nos ondes, aux côtés d'André Robitaille, aux enfants de la télé. Accueillons-la toujours! Sympathique, Edith Cochrane! Yeah! Yeah! Yeah! Bon, papa. Oui, ça va. Bien? Merci. Wow. Bon. Salut. On va se débarrasser du gros sujet tout de suite. Là. Ah oui, c'est quoi? Ouais, vous pouvez ouvrir votre billet. Ben, je me disais que ça allait... Ouais. Non, c'est pas grave. Je me disais que ça allait faire du bruit. Ben, c'est pas grave si ça fait du bruit parce qu'il y a quelqu'un qui a laissé sonner son cellulaire tantôt. Bon, hein. Voilà. Bon, allez-y, franchement. Je peux goûter à ça sans gluten? Ah oui, allez-y, allez-y. Pendant ce temps-là, je vais poser ma question. Elle est longue. On va se débarrasser des vraies affaires. Oui. Fait comme ça, vous allez animer les enfants de la télé. Quoi, ben oui. Hey, c'est une grosse affaire. Toi, c'est une grosse affaire. Mais y a-t-il encore quelque chose à dire là-dessus? Ben oui. Maintenant que c'est officiel, ouais, c'est su, c'est dit, ouais, on sort du placard, ben je suis contente. Parce ben, que là, il y avait comme toute une espèce de zone grise, ben un oui, peu autour de cette affaire-là. D'ailleurs, on s'était parlé, Jean-Philippe, à ton autre émission. Je le sais. Puis je disais rien, je savais rien. Est-ce que tu savais un petit peu? Ben, je savais des petits bouts, mais j'ai su les affaires morceaux par petits bouts. Puis là, je sais pas trop ce que je savais, mais en fait, je pouvais rien dire. Ben, c'est ça. C'est spécial. J'aimais pas ça, l'adultère, le mensonge. Je vis pas bien là-dedans. Non? Non. Mais là, maintenant que c'est dit, je suis contente. Puis j'ai surtout hâte de commencer à travailler. Parce que là, cette histoire-là, ça aurait pu faire un show de télé-réalité. Hein, trouver les remplaçants à Véro et Antoine. Ouais. Vraiment, ça a été beaucoup plus intéressant que l'émission elle-même. Non, mais je veux dire, c'était fou, parce qu'à chaque jour, on se demandait qui c'est qui passe les auditions, qui... Ouais. Et puis là, il y avait la rumeur d'autres auditions, parce que finalement, ils n'avaient pas trouvé. Finalement, c'est quoi? Ils sont rabattus sur leur plan B? Oui, ils ont dit, ben là, ça suffit. Là, ça coûtait trop cher d'audition, à un moment donné, je veux dire. Oui, c'est parce qu'on est payé, hein? On est payé 100 000 $ par audition. Ah! Non, c'est ça. Mon Dieu! Non, mais c'est les ligues majeures, on peut pas chialer contre les artistes de nos jours, hein? Pauvre. Gang de Richard. Ah, oui. N'empêche, vous aviez passé quand même les auditions pour remplacer Véro. Oui. C'est-à-dire qu'au moment où les auditions se sont tenues, il n'y avait pas d'audition pour remplacer Antoine parce que, semble-t-il, qu'on ne le savait pas qu'Antoine s'en allait. Ah. Bon, ce que j'ai su par après, c'est qu'il savait un petit peu. En tout cas, il s'en doutait, mais ça n'avait pas été dit. Mm-hmm. Donc, moi, j'auditionnais pour remplacer Véronique Loutier, ce qui m'apparaissait un peu bizarre. Là, ben, je le disais, je me disais, ben, parce ben, que j'ai fille jamais... Fille blonde, bingo. Ouais, juste... Dans le fond, c'est les seuls critères. Ben, en gros, là. Oui, non, c'est vrai. Y a-t-il d'autres choses? Non, c'est ça. Vraiment. L'espérance, c'est que votre conjoint est drôle, par exemple. C'est ça. Ah, ça, oui. Aïe, aïe. J'ai juste à comprendre. Juste souligner, on va couper ça au montage. Non, mais j'ai un projet avec Louis bientôt. Ah, oui. Non, mais c'est ça. Donc, moi, j'avais d'entrée de jeu, un peu à la blague, dit, ben moi, je remplacerais bien plus Antoine Bertrand s'il s'en allait, me disant, il s'en ira jamais. Je peux dire ça en riant. Est-ce que c'est à cause de vous qu'il est parti? Ben, je pense pas. J'espère que non. Ce serait bête en tabac. Non, ce serait bête. Okay, ben oui. Non. C'est ça. Alors, moi, j'ai auditionné à la place de Véro, mais j'avais un doute. J'avais un gros doute. Là, je l'ai dit. Ben oui, c'est correct. Ben oui, on dort. Je suis pas dans le mensonge. Moi, je suis dans la transparence. Je l'ai dit, je doute. Mais je le fais quand même, parce que faut voir. Candidement. C'est ça. Mais eux avaient un plan. Il y avait un projet. Allez, maudits, hein? C'est ça. Ils se doutaient qu'Antoine partirait. Puis je pense qu'ils trouvaient ça le fun aussi d'inverser les rôles, les sexes, tout ça. Donc, on est moins... on va moins être porté à nous comparer. C'est difficile de comparer Antoine, Bertrand et moi. C'est difficile de... Bon, tu sais... Est-ce que vous allez embrasser les invités comme Antoine faisait? C'est bizarre. Ben, c'est bizarre. Ça serait moins bien vu, je pense, si c'était une fille. Moi, c'est pas mon genre d'humour. Bon, on sait pas, tu sais, je veux dire... Quand les Kodak s'allument, à un moment donné, on vient fou, puis ben on French tout le monde. Mais le French, c'est la nouvelle poignée de main, je le dis tout le temps. Voilà. Mais moi, c'est pas mon... J'ai pas le même genre d'humour qu'Antoine. Quoique, il me fait mourir de rire, je le trouve extraordinaire, je le trouve bon, mais qu'est-ce que tu veux, ma spontanéité n'est pas la même que lui, puis en même temps, c'est vraiment correct, tu sais, je pense pas que je vais aller là-dedans. C'est-à-dire frencher tout le monde. Okay, merci, tout le monde. Mais c'est ça. Ce qu'ils m'ont dit, c'est que évidemment, il y a des auteurs qui travaillent sur le show. Antoine travaille avec des auteurs. Ouais. Voit venir un peu le scénario de l'émission, se prépare quelques blagues, tout ça. Mais en tout et partout, ce qui est gardé à la fin, au montage, il y a un 40% qui est de l'impro, de la spontanéité. Vous êtes bonne dans l'impro, vous? Ben, j'espère que ça me lâchera pas. Ben non, et ça serait bête. Ça serait bête. Et que ça serait bête. Mais vous n'étiez pas déçu de pas avoir la grosse job, hey, celle non. Non? Non. Moi, j'aurais pas accepté ça, honnêtement. Si on m'avait offert le poste de Fred lorsque j'ai... Je ne serais plus ici. Moi, ma face n'est pas dans le Journal de Montréal. Ça, c'est un gros plus. Ah là là. Bon. Non, mais je suis contente. Puis je suis contente d'animer avec André aussi. Je trouve que lui, il a une solide expérience en animation, en télé de tout genre aussi, quand même, là, mine de rien. Il a une crédibilité. Il a été acteur, animateur. Il était très bon, en plus. Semble-t-il qu'il était très bon. Je n'en doute pas deux secondes. C'est pour ça qu'il l'a eu. Mais j'imagine. Ça serait bête que non. Est-ce que, par contre, après 6 saisons, là, vous n'avez pas fait le tour des invités à avoir? Parce qu'à un moment donné, je veux dire, vous allez recevoir qui, là? Non, mais... Mais là, on va inviter les animaux des artistes qui ont des archives incroyables, savoureuses. Ben écoute. Non, mais semble-t-il que non, en fait. Là, après 5 saisons, il y a des gens qui, d'une part, sont jamais venus. Ouais. Puis il y en a d'autres qui ne cessent de faire des archives. ils s'archivent eux-mêmes. Et oui, ils s'auto-archivent. Ouais. Et puis il y en a. Ce qu'il faut savoir, c'est que au départ, pour chacun des invités, il y a une recherche qui est faite exhaustive. Ils trouvent à peu près 100 archives pour chaque invité. Et ensuite, ils réduisent. Et à la fin, au montage, ce qui est gardé, c'est 3-4 extraits à peu près par personne. Ce qui fait qu'il y a du stock qui n'est pas passé à l'écran. Il y a des gens qui vont revenir, puis d'autres qui ne sont jamais venus. OK. Qui, par exemple? Est-ce que vous avez été Fred Savard? Parce que vous savez, Fred Savard, il fait beaucoup de télé. Hein? Oh là là là là là! Fred, t'as jamais été invité? Non. Écoute, je suis bien placée, je pourrais en parler. Ça serait bien fun. Mais as-tu des archives télé autres que tes vacances, mettons, dans votre spécial police, là, si vous faites un spécial police, on aurait fait quelques-unes. T'as été policier. Oui, dans plusieurs affaires. Mais ça serait une bonne idée. À moins que vous soyez soucieux des codes d'écoute encore cette année, ça serait une bonne idée. C'est une très bonne idée. Mais là, vous savez, c'est pas mal fini, l'anonymat. Ouais. Hein, ça, on devient une grosse vedette là, quand on anime un show de même. Ouais, ça, je te dirais que ça, honnêtement, entre nous, c'est l'aspect... C'est intime ici. Là. Ben moi, quand je bois de la bière sans gluten, j'ai tout l'impression est intime. Que... tout est intime. C'est entre nous. Ben non, je sais bien. Ça, c'est l'aspect que je trouve un peu vertigineux. Je t'avoue, parce que je l'aime bien, ma semi-anonymat. Déjà, je suis pas vraiment dans l'anonymat, là, mais il y a quelque chose mais quand même, c'est plus de code d'écoute que série noire. Non, mais c'est des chiffres. C'est pas un jugement du tout, là. Ben non, c'est des faits. Bon, voilà. Non, mais c'est ça. Alors ça, je trouve ça un petit peu vertigineux, le côté pop, le côté visibilité full pin. Mais en même temps, on m'a choisi puis on me demande d'être ce que je suis. Ouais. Vraiment. Tu sais, j'ai pas à défendre quelque chose qui me représente pas. Je suis pas mal à l'aise dans cette position-là. Je vais juste... discuter avec des gens, regarder des extraits, rire, faire quelques blagues. Ça me ressemble. Je suis pas dans une position difficile à défendre. Dans le fond, c'est un gros fun pendant une heure de TV. Oui, c'est ça. Ah, ça va être le fun, ça. C'est ça. Ben, moi, j'ai très hâte de commencer. C'est quand vous commencez, là? Le premier enregistrement. Mais là, il y a encore une série d'auditions. Non, c'est pas... Ah! On passe encore c'est là, mon Dieu, 13 auditions. Il arrête non, plus. Non, c'est pas vrai. Le premier enregistrement est le 1er juin. Ah, OK. Fait que je vais juste pas booker mon 1er juin. Oui. Juste cause où que je sois invité. C'est un coup que tu sois invité. Ben non, c'est pas. Ah ben mon Dieu. Fait que là, vous enregistrez tout l'été. Ouais, non. En fait, là, c'est 24 émissions dans l'année qui sont tournées en 12 jours. Ah mon Dieu, ça, c'est une belle vie, ça. Deux émissions par jour. Ouais. 12 jours de travail. 12 jours de travail sur à peu près un an. Ah mon Dieu. Ah mon Dieu. Fait que là, j'ai du temps libre. Là. J'ai à part 12 jours l'année prochaine. Vous allez pouvoir en boire de la bière. Hey, je vais t'acheter ça, moi, de la petite bière sans gluten. Non, on parlait de chiffres tout à l'heure. Parlons de série noire rapidement. Oui. Parce que. Attends, laisse-moi prendre une gorgée. Oui, allez-y. Non, mais attends un peu. Moi, mais j'ai commencé à écouter ça quand vous êtes venu me voir à l'émission télé. Tu ne l'avais pas écouté? Ben non, j'ai commencé à écouter ça sur ICI Tout TV. Oui. Puis on a beaucoup de plaisir à écouter ça. Toi, mon épouse. Mais ben là, moi et ma gang, on se fait des soirées série noire. N'empêche que c'est vraiment une très bonne série. C'est super intéressant. Et on se demande comment ça se fait que c'est si difficile que ça à avoir le hockey pour la deuxième saison. Ben, il y a plein de considérations qui sont beaucoup monétaires. Ouais. Écoute, pour faire une histoire courte, je t'apprendrai rien en disant que... Ça coûte de l'argent, mais c'est qu'aussi les publicitaires payent des espaces pubs pendant certains shows. Ouais. Alors, si ton show est évalué à 800 000 de codes d'écoute puis que tu fais juste 200 000, ben, les gens qui ont payé pour que leur pub soit vue par okay. 800 000... Bon, mais, tu comprends? Oui, mais supposons qu'au lieu de dire que vous allez faire 800 000, dites que vous allez faire 100 000. Oui, je pense pas que... Là, mon exemple est un peu biaisé. Je pense pas que les gens de Radio-Can avaient évalué Série Noire à 800 000. Je pense qu'il avait été relativement réaliste, mais... Pas tant que ça. Mais les codes d'écoute ont été en deçà de leur estimation. Ouais. Ouais. Ce qui fait que je pense que Radio-Can aime beaucoup Série Noire, mais que les codes d'écoute n'ont pas... C'est des coupures, hein. Ben, il y a des coupures aussi, ben oui. Bon, tout ça. Ce qui fait que je pense que c'est vraiment une question d'argent. Pas je pense, je sais que c'est vraiment une question d'argent. On devrait avoir une réponse bientôt. Ça doit être stressant, terrible. Ben, plus pour les gars, plus pour François Létourneau. Oui, parce que vous avez de la job à s'écœurer. Ben, moi, j'ai... Ben, pas 12 jours. Moi, j'ai un gros 12 jours. Ben, 12 jours, mais c'était 12 jours payants. 12 jours intenses. Ah, ouais, 12 jours payants. Mais on vous le souhaite quand même. Ben, merci. Mais ce que je veux dire, c'est que les gars, Jean-François Rivard et François Létourneau, sont en train d'écrire la saison 2 et ils attendent. Donc, pour eux, c'est stressant. Dans le sens où ils auraient envie que ce qu'ils écrivent soit porté à l'écran, puis ils auraient envie de le jouer, de le réaliser, bon, tout ça. Mais on l'écoutera plus. Hein? On sera plus à l'écouter, puis c'est tout. Mais là, il y a beaucoup de monde qui l'écoute. Ben, pour vrai, je veux dire. Sans farce, il y a beaucoup de gens qui l'écoutent. Moi, je m'en fais beaucoup parler de Série Noire. Beaucoup, beaucoup. C'est devenu une série culte, comme un peu Les Jeunes Loups, mais à l'envers. Ben, c'est un peu ça. Ben oui. Ben, vous restez avec nous, de toute façon, hein, parce que je me suis dit, on va tester si vous êtes une bonne sidekick. Oh! Parce qu'on va recevoir Alexandre Boulris, puis vous ferez des petites blagues avec lui. Des blagues, OK. Ben, des blagues. Déplacées? Déplacées. Ben, honnêtement, je m'attends à un French d'ici la fin de l'heure. Ça serait bête que non. OK. OK, parfait. Bon, vous savez qu'il n'y a pas qu'ici, à Radio-Canada, que les coupures font mal, hein. On écoute un peu de Radio X Jazz. Vous écoutez Radio X Jazz, la radio où une blanche vaut deux noires. Vous écoutez l'émission des airs d'Ariens, Kevin Gosselin avec vous pour une dernière fois. Et oui, le couperet est tombé. Je me sens un peu comme un employé de Radio Cadena aujourd'hui. Alors la direction de notre station, c'est-à-dire mon beau-frère Chuck, m'a convoqué ce matin pour une réunion à ses bureaux, c'est-à-dire au Tim Hortons, juste en face ici. Autour d'un beigne à la Schlange, on m'a annoncé que mon émission n'allait pas être reconduite. Le CRTC a changé la licence de notre station et ne nous oblige plus à diffuser de la musique jazz, donc je suis maintenant inutile. Pourtant, je sentais que le vent allait tourner. Nous avions presque doublé nos auditeurs, passant de 6 à 11 fidèles. J'ai une pensée pour mon ami Normand du bar de danseuse Le Trou à Normand qui nous a permis depuis 2 ans de faire de la grosse radio-salle pendant certains événements spéciaux. Je veux également remercier nos autres commanditaires, en fait Mike, propriétaire de la piste de go-kart Pro Racing de Blainville. Nous avons fait notre lancement l'an dernier. Thumbs up Mike, je vais m'ennuyer de la boue que tu me lançais dans le visage. Alors, pour ma part, plusieurs défis s'offrent à moi. Je pourrais retourner faire du déménagement avec mon cousin Mark, ou encore tenter ma chance dans d'autres stations de radio, mais je ne me fais pas d'illusions, le jazz est en perte de vitesse sur les ondes. Il ne reste qu'Espace Musique qui en diffuse et j'aurai de la difficulté à être payé avec mes propres impôts. Alors encore une fois, merci à Nancy, José, Mike, Bill, Jason, Killian, Sandra, Bianca et Destiny et tous les autres de m'avoir écouté. On se laisse une dernière fois avec Ella Fitzgerald et la pièce All By Myself sur les ondes de Radio X Jazz, le 91, blanc. Vous l'avez mérité, votre Gémeaux, frère. Ouais. Franchement, là, quelle écriture. On va aller rejoindre Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien? Ah, mon bon Jean-Philippe. Je suis toujours en direct du spa, le dernier repos plus extra, toujours situé à la Veltrie. Et je suis en train de bénéficier d'un massage de couple avec mon invité. Vous savez, c'est qui? C'est la belle, la flamboyante, la pas barrée à 40, Mélanie Joly. Mélanie, ma belle Mélanie. Allô. Mélanie, c'est la 5e fois que tu acceptes mon invitation ici à la soirée T'es encore jeune, ce qui fait que tu viens de dépasser les records établis précédemment par Louise Arel et par le petit Gabriel Nadeau-Dubois. Mais là, cette semaine, c'est un peu particulier. Tu sais à quel point je capote sur toi, Mélanie. Tu sais à quel point je te défends toujours bec et ongles. Mais cette semaine, tu me rends la tâche un petit peu plus difficile, hein? qu'est-ce qui s'est passé? T'as décidé de faire une petite liste, Thibaut, de toi-même cette semaine? Non, Jean-Sébastien, la comparaison est très, très, très boiteuse. Là, je vais me fâcher. Boiteuse? Mon Dieu, c'est de l'humour! En même temps, Mélanie, c'est une belle façon de faire parler de toi, évidemment, parce que pour mon plus grand des plaisirs, ça fait un petit bout qu'on te voit beaucoup moins, évidemment, à la télévision. D'ailleurs, qu'est-ce que tu fais présentement? Qu'est-ce que ça fait, une chef de parti pas élue, à part contourner le système et courir les entrevues et les Kodak comme une démence? Je suis en train de mettre sur pied une vraie organisation électorale, un vrai parti qui lit la loi électorale, bien entendu. Mais surtout aussi, je suis en train d'écrire un livre. Un livre. Est-ce que tu es prête à nous révéler certains scoops sur le livre? Par exemple, est-ce que c'est un livre où il va y avoir des mots à côté des images, mon petit? Jean-Sébastien, pour l'instant, il n'y a pas d'image, mais j'espère quand même que tu vas être capable de le lire. Boum! Mon Dieu, c'est désagréable, finalement, cette entrevue-là. Évidemment, il n'y a pas juste le livre, ma belle Mélanie, qui s'en vient, il y a d'autres projets. On en parle dans quelques minutes. Pour le moment, Radio-Canada t'offre ici un beau hommage antioxydant à la cannelle et au gingembre qui stimule et purifie la peau. C'est d'une valeur de 500 $. Alors, Jean-Philippe, on vous retrouve dans 5 minutes. Adieu. Vous écoutez La soirée est encore jeune sur les ondes de Ici Radio-Canada Première, une émission qui n'a jamais reçu Nathalie Normando, contrairement à elle qui a beaucoup reçu. Mon Dieu Seigneur, ça n'arrête pas ce soir non. Et c'est encore à vous. Oui, alors permettez-moi de revenir sur la polémique Sophie Durocher et Xavier Dolan qui enflamme le Québec depuis une semaine. Bon, en fait, non, là, rien n'enflamme le Québec depuis des années à part l'émission La Voix. C'est bien un des nombreux problèmes du Québec, mais là n'est pas le sujet de ma chronique. Donc, pour ceux et celles qui ne liraient pas le Journal de Montréal, d'abord, je vous félicite. Et deuxièmement, je vais vous résumer un peu la dite polémique. Vous allez voir, c'est franchement très, très divertissant. Alors, ça commence par une entrevue de Xavier Dolan accordée à une journaliste française. Non, ce n'était pas Sophie Durocher, mais plutôt le magazine Paris Match en compagnie de Nicolas Sirkis du putride groupe Indochine. Dans l'entrevue, on en vient à discuter de la petitesse du marché québécois et Dolan se désole des 40 000 entrées de son film Lawrence Anyways, alors qu'Avatar a fait 2 millions d'entrées au Québec, mais il n'y avait pas de bonhomme bleu dans Lawrence Anyways, soit dit en passant. Donc, Dolan, dans Paris Match, qualifie le marché québécois de marché de consanguin. Évidemment, Sophie Durocher ne le prend pas, se sentant sûrement visée, et profite de cette tribune pour, bien sûr, varloper Dolan, un artiste subventionné en plus. Dolan réplique à Durocher et prétend que l'expression consanguin voulait simplement illustrer la petitesse du marché québécois et que Durocher n'avait pas à faire de la démagogie sur son dos pour vendre de la copie une grosse semaine qu'on a eue, mes amis. Durocher en a rajouté ce matin en qualifiant Dolan de petit prince parce qu'il est incapable de prendre la critique et, comme d'habitude, elle prétend que Dolan l'a attaqué personnellement. Plus prévisible que Sophie Durocher, tu t'appelles Richard Martineau. Pauvre Sophie Durocher, voilà! Voilà une femme qui avait un brillant avenir lorsqu'elle animait les choix de Sophie sur les ondes de Radio-Québec. Oui, son accent emprunté était déjà insupportable à l'époque, mais on sentait qu'elle avait du potentiel quand même. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Elle a rencontré Richard et est probablement tombée dans le même trou noir idéologique et en est ressortie comme son époux, complètement jambonifié. Certains prétendent qu'elle a tout simplement bu du Kool-Aid québécois qui transforme instantanément la personne en larbin de service. Regardez ce qui est arrivé à Guy Fournier. J'aimerais dire que Dolan a raison. Le Québec est de plus en plus un peuple de consanguins. Il n'a pas à s'excuser. Je dis cela sans être un fan de Dolan. Hein. Je n'ai vu qu'un film de lui, Tom à la ferme, et je me suis un petit peu emmerdé. Et comme des millions de Québécois, je n'ai pas vu Lawrence Anyways, et pourtant, je ne me considère nullement consanguin, bien que j'ai vu et beaucoup aimé le film Deliverance. Mais, je le répète, Deliverance, c'est un film pour les plus jeunes. Vous allez voir ça sur Wikipédia. Mais il y a du banjo. Mais je le répète, Xavier Dolan a raison. Nous sommes entourés de consanguins. Quand le Journal de Montréal est le journal le plus lu au Québec, on peut dire que oui, nous sommes entourés de consanguins. Quand on voit les libéraux élus majoritaires avec 70 député malgré tout ce qu'on savait sur ce même parti de ripoux et de magouilleurs et que nos pires craintes s'avèrent confirmées avec ce qu'on apprend cette semaine et qu'on sait que s'il y avait encore des élections lundi, les libéraux seraient probablement encore majoritaires. Oui, on peut dire que nous sommes entourés de consanguins. Quand on doit constamment répéter que 29$ par année par citoyen pour une radio et une télé publique de qualité, c'est des peanuts comparé à la moyenne de 87$ ailleurs sur la planète et que malgré tout, ces mêmes gens estiment qu'on devrait fermer Radio-Canada, on peut dire que oui, nous sommes entourés de consanguins. Quand on entend ce que je viens de dire et qu'en plus on apprend que les faveurs fiscales consenties aux pétrolières coûtent en moyenne 300$ par Canadien annuellement et que ces mêmes Canadiens ne s'en plaignent même pas et font la file comme des tatas pour faire le plein à 1,52$ le litre, on peut dire que oui, nous sommes entourés de consanguins. Heureusement, il y a un peu d'espoir. Non, Sophie Durocher ne reviendra pas pertinente. Il est trop tard, le Kool-Aid a fait trop de ravages. Non, l'espoir, il nous vient de la science qui nous apprenait cette semaine la découverte d'une exoplanète habitable. On pourra donc peut-être, dans un avenir approché, quitter enfin cette bonne vieille Terre et s'installer là-bas, à des millions d'années-lumière de ce peuple de consanguins, mais surtout à des millions d'années-lumière de Sophie Durocher. Fait que, elle nous aimera pas. Non! Elle nous aimera pas plus. On va aller. C'est pas grave, c'est pas moi qui passe dans le journal là. Hein. Non. OK. Jean-Sébastien! Jean-Sébastien! Ah, Jean-Philippe! Ah, c'est donc maintenant ce petit look cool, relax. Toujours est-il que nous sommes encore avec Mélanie Joly dans ce beau spa. Mélanie, est-ce que dans l'équipe de Justin Trudeau, on va te retrouver pour la campagne électorale de 2015? Est-ce que tu pourrais, par exemple, te présenter dans mon quartier contre le petit Boulris, par exemple? Et là, attention Mélanie, c'est vendredi saint. Donc, je veux que tu me jures sur la tête de la crucifixion du le petit Jésus qui est mort pour racheter tes péchés et tes dépenses électorales, que tu ne vas pas te présenter au PLC. Mais là, ça ne fonctionne pas parce qu'à Ottawa, là, c'est pas compliqué. Ils ne veulent pas que je reste seulement 2 ans et que je me présente en 2017 aux élections à la mairie. Pourquoi faire? Parce que ça ne marche pas. Je ne veux pas quand même faire payer les contribuables canadiens pour ça. Ah bon, c'est bien dit, mais en même temps, je ne sais plus pas en tout quoi vous dire. Là. J'ai plus d'idées de questions. Mon Dieu, qu'est-ce que je pourrais vous poser comme question? J'ai déjà l'impression d'avoir fait le tour. Mon Dieu, Mélanie, je sais pas. Quel âge tu me donnes? En fonction de ton look ou en fonction de tes questions? Eh, voilà que je déteste l'assurance qui est en train d'arriver chez Mélanie. Alors, vous savez... Des auditeurs qui sont plus inspirés que moi, on vous invite à nous envoyer vos questions. Vous nous écrivez à la soirée @radio-canada.ca et on vous revient avec les questions dans 20 minutes, Jean-Philippe. Ah, merci Jean-Sébastien. Et dites qu'il n'avait jamais écouté l'émission, on n'en revient pas là. Vraiment, notre deuxième invité. Inconnu avant la dernière campagne électorale fédérale, il est devenu une figure de proue du NPD au Québec. Accueillons le député de Rosemont, la petite patrie, M. Alexandre Boudry. Vous connaissez Eddie Cochran? Oui, je connais depuis quelques minutes. Ah mon Dieu! Eh bien gentil, c'est une vedette. Ah oui, ah oui. Oui. Monsieur Boulris, ça existe encore la politique fédérale? Hein? Ça a l'air de rien, mais oui. Ouais. C'est juste que les dernières semaines, c'était le temps idéal de moffer nos questions en chambre, de se planter dans les escaliers, peu importe. Personne ne regardait, personne n'écoutait. Ça se passe encore à Ottawa? Oui, oui. Il y a encore des conservateurs qui font encore des coupeurs partout, dont ici. Oui, ben oui. Mais non, mais vous savez, c'est la deuxième fois qu'on vous reçoit. La première fois que vous étiez venu, le NPD et vous organisiez un petit événement pour supporter Radio-Canada. On vous remercie, ça fonctionnait super bien. Oui. Anytime. Ouais, c'est comment ça? Vous avez pas beaucoup de pouvoir finalement, ou parce que ça fait quoi? C'est presque 2 ans. Il y avait eu des coupures, et puis là vous avez fait un petit événement pour, pour nous aider. Puis c'est ça. On n'a pas encore beaucoup de pouvoir parce qu'on a des conservateurs beaucoup trop nombreux qui sont majoritaires, mais on vise à prendre le pouvoir dans 2 ans. Mais ça dépend de vous autres. De nous autres. Les électeurs. Ah, OK. pas de toi, pas non, juste non, c'est toi, ça, là. J'ai le monde, j'ai de la pression à tabarnouche. Durant le courant des derniers mois, je dirais même années, on entend beaucoup, beaucoup parler de politique provinciale. Oui. Est-ce que ça vous met un peu en maudit, vous? Parce que on le dit, là, il paraît que M. Mulcair est extraordinaire au Parlement. Oui. Il paraît qu'il fait un travail incroyable en chambre. Et pourtant, tout le monde s'en fout un peu. Là, commencez par écouter les nouvelles. Déjà, ça va aider. Ben, on essaie. On est là, on pose des questions, mais on fait beaucoup de travail en ce qui concerne les coupures que les conservateurs font. Mais évidemment, je vous dirais, c'est vrai, pour la plupart des Québécois et des Québécoises, la politique fédérale, c'est un peu loin. Ben c'est oui. vrai que ce n'est pas les services de terrain, les services un peu pratiques, la santé, les hôpitaux, les écoles. Ça, les gens se préoccupent de ça. C'est facile à comprendre. Des fois, ouais. la politique fédérale, ça a l'air un petit peu plus distant. Disons qu'on ne s'occupe pas de ramasser les vidanges. Non. Quoi que dans 2 ans, on va essayer d'en ramasser une couple. Ah! Ah. Mais les gens applaudissent, franchement. N'importe quoi. Ben regarde, la semaine passée, on avait Manon Massé, puis il y a du monde qui sont évanouis. Fait qu'à mon avis, il y a plein de solidaires en place. Ouais. D'ailleurs, parlons de ça un peu. Il y a eu nos élections il y a deux semaines. Deux élections au Québec. Il y avait des élections au Québec? Oui, oui, votre chef a voté pour un libéral. Là. Moi, j'étais convaincu que c'était le festival printanier du garochage de la boîte qu'on a vécu. Il y avait ça, mais parce que ce que vous ne comprenez pas, vous étiez à Ottawa probablement, mais ici, il y a eu une grande peur référendaire. Ah oui. Les gens ne sortaient plus. Non. Mais heureusement, ça s'est réglé. Je pense que les gens ont peur de se faire poser des questions. Ça a l'air que c'est quelque chose d'extrêmement dangereux de se faire poser une question. Mais c'est dangereux. Mais c'est du trouble. Et comme disait notre ancien Maurice, là, le bonheur haït le trouble. Ça, c'est vrai. Voulez-vous que je vous dise ça? C'est pour ça qu'à Radio-Canada, on reste bien calme. Hein? Ouais, on essaie de pas trop brasser les choses. D'ailleurs, Fred, on va l'enlever, votre chronique. C'est trop. On veut pas chercher le trouble pour rien. Mais est-ce que vous êtes surpris du scrutin du 7 avril? Est-ce que vous êtes surpris de ça? Parce que je sais que vous êtes un ami de Mme Françoise David du Québec solidaire. On travaille bien ensemble. Ouais, c'est ma députée provinciale avec M. Jean-François Lisée, avec qui je travaille bien aussi. Est-ce que vous avez voté? Vous êtes d'Angoin, vous? Pas loin, un petit peu juste au sud-ouest. À peu près. Donc vous êtes dans Rosemont? Non, même pas. Même pas? Même vous avez voté pour? Juste comme je ça. Je ne dirais pas. Non? J'ai voté pour quelqu'un de progressiste. Progressiste, j'ai trouvé que c'était comme cohérent. Ah, OK, d'accord. Ouais. Mais je sais que votre chef, Thomas Mulcair, a voté pour un libéral dans sa circonscription, M. Kelly, dans Jean Cartier. C'est-tu bizarre un peu? Bien, c'est pas bizarre dans la situation où, pour des gens qui veulent voter progressiste, le Parti libéral est peut-être pas un petit peu trop à droite, puis les gens qui veulent voter pour un parti qui va défendre que le Canada reste dans la Fédération canadienne, il n'y a comme pas grand-chose. En tout cas, t'es déchirant entre les deux. Quand on est séparatiste, on vote pour le Québec solidaire. Vous êtes séparatiste, Ça peut être comme ça. Non, mais êtes-vous séparatiste encore? Mais il me semble qu'il n'y avait pas de référendum. Non, mais il y en a pas. C'est comme réglé, ça. Non. On a un débat gauche-droite. Madame Marois, on est clair. On est clair. Puis moi, avec le NPD, je veux qu'on travaille avec les progressistes du reste du Canada pour renverser les conservateurs de M. Harper. C'est ma job. J'aime ça. Non, mais c'est vrai, Madame Marois l'avait promis. Hein. Pas de référendum, il n'y en aura pas. Mais elle va remplir sa promesse très, très bien pour les quatre prochaines années. Oui. On a beaucoup entendu parler depuis les élections provinciales de NPD Québec. Le NPD Québec, ça revient périodiquement. Hein? On a entendu parler, quand vous étiez venu, on parlait de NPD Québec, c'est mort tout de suite après. Et là, vous revenez, on reparle du NPD Québec. Mais est-ce que ça va arriver pour vrai, cette fois-là, ou non? Mais comme je vous expliquais un petit peu, il y a des gens, des électeurs, qui sentent un peu orphelins, pris entre deux chaises, ils ne savent pas trop pour qui voter. Donc, ça revient de temps en temps, des gens qui disent, puis le NPD fédéral, dans toutes les autres provinces, il y a un NPD provincial, puis des fois, on est au pouvoir, comme on l'est au Manitoba, on l'était en Nouvelle-Écosse il n'y a pas longtemps. Alors, c'est sûr qu'il y a du monde qui nous en parle, mais d'ici les 18 prochains mois, prochaine échéance fédérale, il ne se passera rien. Ben justement, c'est en 2015. Vous êtes le co-président de la campagne nationale du NPD. Là, il y a eu une grosse vague. C'est en 2011. Ça a bien été ce fois-là. Au-delà de toutes les espérances. Exactement. Là, par exemple, ça va peut-être être moins facile en 2015. Pour prendre le pouvoir, qu'est-ce que vous avez à faire vraiment? Ben, honnêtement, comme disait l'autre, il n'y en aura pas de facile. Deuxièmement, je suis en admiration devant votre chevelure, Jean-Philippe, et je pense que vous pourriez être un excellent candidat contre Justin Trudeau dans Papineau parce que vous avez tout ce qu'il faut pour le battre en ce moment. Alors, comme je vous disais, vous ne serez pas chanceux deux fois. Non. Qu'est-ce que ça va prendre pour faire élire un petit peu plus de députés que le Parti conservateur? Ça va prendre... Plus que ma chevelure, je vous le garantis. Oui. C'est dommage, je comptais beaucoup là-dessus. Ça va prendre beaucoup plus d'implication sur le terrain, du porte-à-porte, des téléphones, des donateurs, ça va prendre des sous. C'est sûr que le NPD, le Parti central, va investir dans les comtés qu'on n'a pas. Donc, les députés sortants, on a la responsabilité de ramasser les sous, 100% pour notre campagne, acheter nos affiches, payer les directeurs de campagne, le local, les téléphones. C'est beaucoup d'organisations, c'est beaucoup de monde sur le terrain, mais les gens viennent et puis ils veulent déjà le faire. Le 3 mai, tous les députés au Québec du NPD, on organise des centaines de personnes vont cogner aux portes, porte à porte, pour faire signer des pétitions contre les coupures à Poste Canada. Donc, on est actifs. Nous, et ça, c'est tout préélectoral. Radio-Canada? Oui, vous autres, c'est peut-être le 3 juin. Okay, tout en même temps. Non, c'est correct. C'est vrai, mais il demeure que c'est de la job. C'est plus de la job. C'est énormément de job. Edith est en train de se mordre les lèvres. Ah oui. Peut-être que c'est parce qu'elle n'écoutait pas. Non, non, non, pas du tout, j'écoute. Eh, mon Dieu. Mais je trouve que c'est tout un défi, c'est tout un job, quand même. Ouais. Non, mais ça n'a pas de bon sens. Non, j'écoute ça, là, tu sais, dès le 3 mai, on va faire du porte-à-porte. Je me dis, oh, mon Dieu. Quand même, peu importe le parti, là, je trouve que qu'être en politique, là, tu sais, on a beau dire, là, oui, il y a de la corruption, puis il y a bien des affaires, mais quand même, il y a des politiciens, peu importe les partis, qui font du porte-à-porte, puis qui sont là pour les bonnes raisons, je pense. Tu sais, il y en a dans toutes les partis politiques, et puis c'est une job qui est comme infini. Ouais. Le nombre de personnes à qui tu devrais parler, appeler, envoyer une lettre, le nombre de personnes à qui tu pourrais aider, le nombre de groupes communautaires que tu pourrais aider pour obtenir du financement, c'est la job, là, tu peux la créer toi-même, mais on n'a pas besoin assez de 24 heures dans une journée, effectivement. C'est robot cars, là, c'est pratique. C'est extrêmement pratique. C'est sur Enter, là, c'est beau, oui. Bon, pas cher, oui. Et puis ça fait un job, effectivement. Attends, les robots rings, les robots rings. Ben oui, faudrait, en tout cas. Si je pouvais me cloner, là, je le ferais, je pense, des robots rings. C'est beaucoup plus de travail que d'animer l'émission la plus populaire du Canada. Hein? 12 jours de travail, puis c'est dans le monde. Faudrait demander à M. Legault. Seigneur, non. Mais on n'a pas assez parlé de la déconfiture du PQ, et ça m'intéresse de savoir. Non, mais. On tu veux dire dernièrement ou tu veux dire là, aujourd'hui? Là, parce que dernièrement, on a parlé pas rien qu'un peu. On a beaucoup parlé. On a beaucoup parlé. Mais je veux savoir ce qu'est-ce. Alexandre Boulris, il pense quoi de ça? Comment ça se fait que. Un mouvement, le mouvement souverainiste, s'est éteint comme ça, un peu comme le Bloc. Est-ce que vous pensez que le Bloc et le PQ, c'est fini? On ne peut jamais dire qu'une autre formation politique est terminée. Le Bloc, c'est vous qui le dites, je n'oserais pas le répéter, on ne sait jamais ce qui va se passer. C'est qui les trois personnes à la course à la direction du Bloc? Il y en a une personne. Ah, OK. Non, c'est une bonne réponse. André Bellavance, je savais même pas. Que Jean-François, il n'est pas là, Jean-François. Non, il n'est pas là, il ne se présentera pas. Ah oui? Non. Payet, non? Payet, c'est celui qui vient démissionner. Il part, lui. Ah, je sais, voyons. Es-tu condescendant? Boy, non, mais là, condescendant non, mais c'est vrai que le monde ne suit pas trop la politique fédérale. Non, il y a d'autres choses à suivre. Ben, il y en avait beaucoup. C'est, récemment, il y en avait beaucoup. Avez-vous écouté la dernière des enfants de la télé? Excellent. Oui, c'était bon. Ah. C'était bon, mais attendez de voir ce qui s'en vient. Un cran au-dessus. Capoté. Bon, là, vous êtes adjoint en matière d'éthique et d'accès à l'information. Puis cette semaine, il y a eu beaucoup d'actions. Là, il y a eu cette histoire qui s'appelle. Il y a quelqu'un qui a eu accès à beaucoup d'informations. Oui, c'est ça. 900 numéros d'assurance sociale qui ont été rendus publics ou en fait disponibles à certaines méchantes personnes. Ça, c'est un peu stressant. Et je me demandais, là, dernière question, est-ce qu'il faut commencer à stresser? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut commencer, comme notre réalisateur Jean Gagnon, c'est un vieux monsieur, d'aller payer nos comptes de l'hydro directement à caisse? Avec une madame. Selon... Je pense que c'est encore plus safe de garder son change, de le rouler, de le mettre dans une boîte puis d'envoyer ça à Hydro-Québec. Là, comme ça, t'es clean, t'es safe. Mais il faut savoir que le gouvernement fédéral s'est traîné les pattes pas mal là-dedans dans ce dossier-là. Ils ont créé un centre de réponse des incidents cybernétiques en 2005, mais ils l'ont pas financé comme du monde. Ce qui fait que pendant des années, ce centre-là qui surveillait tous les systèmes informatiques, il travaillait du lundi au vendredi de 8h à 16h. Ouais. Évidemment, les hackers à 16h, ils arrêtent. Ouais. OK. Puis, hey, c'est du monde comme nous autres. Voilà. Puis samedi, dimanche, mais c'est brunch, c'est la famille qui est en adaptation. Fait qu'on était tout à fait en sécurité. Là. Voyons donc. À part, connais-tu un hacker qui travaille à part, toi? Non. Même Lisbeth Salander dans Millennium, elle a fait punk. Vous savez que j'ai. Elle mange du poisson ce soir. Là. Hey, franchement, là, c'est du monde comme nous autres. Merci beaucoup, c'est très rassurant, ça. Ça fait plaisir. Hey, ça me donne envie de vous élire. OK. Vous restez avec nous, Joe? Oui. OK, parfait. Fred, notre prochain chroniqueur. Il passe de longues heures à écouter les plus jambons de la radio, même s'il ne le lui rend pas très bien en ne l'écoutant jamais. Voici la chronique d'Olivier Niquette! Mon Dieu! Vous n'avez jamais été autant applaudi, mais il faut savoir que c'est le monsieur qui a laissé sonner son téléphone cellulaire qui essaie de se rattraper en criant fort. Ah oui, c'est très gentil. Mais commençons avec une confession. Pendant la campagne électorale, j'ai trouvé que Mario Dumont était parmi les commentateurs les plus pertinents, parmi les moins biaisés. Par contre, cette semaine, quand je l'ai entendu parler du droit des animaux, je me suis rappelé qu'il était moins pertinent lorsqu'il parlait de n'importe quoi d'autre que de politique, parce que Mario a des arguments béton pour dire que les animaux n'ont aucun droit. Dans la Bible, on dit que les animaux sont au service de l'homme. Là, l'homme est un statut à part sur la Terre. Là, c'est la base de l'humanité. Puis les scientifiques vont vous dire l'homme est un omnivore. Hein? Mais qu'il faut qu'il mange. C'est même écrit dans la Bible, un poulet, ça n'a pas plus de droits qu'un toaster. Mais quand même, Mario est ouvert à la science et il se ravisera dès qu'elle permettra aux chevaux de parler. Moi, j'attends toujours le premier qui va me dire qu'il a fait une entrevue avec un cheval puis qui me l'amène sur tape là, pour me dire que le cheval n'est pas heureux. Un cheval qui parle dans un micro, je suis sûr que ça se trouve. En attendant, Rénald Duberger, climato-sceptique en chef des radios d'opinion, racontait cette semaine qu'il faisait une tournée des écoles pour prêcher la bonne nouvelle aux jeunes de nos jours. Et lui aussi, il dit que les animaux, on s'en sacre. Vous avez le droit de faire tourner le moteur pendant quelques minutes pour vous réchauffer. Vous êtes plus important qu'un ver de terre. Voilà ce qu'il enseigne à nos enfants. N'hésitez pas à faire tourner le moteur de vos chars tant qu'à foncer dans le mur, aussi bien le faire confortablement. Un autre qui a envie de faire fi des consensus, c'est le psychologue Yvon Dallaire de passage chez Isabelle Maréchal qui estime que les hommes sont parfois victimes des femmes sexy. Les hommes, oui. De voir récolter plongeant, ça nous excite. Mais en même temps, est-ce que c'est pas du harcèlement non-verbal, ça? Une chance oui, que oui. La chatte n'est pas passée, parce que les femmes vont pouvoir continuer de se voiler et arrêter de nous harceler non-verbalement avec leur poitrine. Dans le même ordre d'idée, le Doc Mayou participait cette semaine à une nouvelle web-télé sportive où il s'avouait nostalgique des tavernes. C'était un espace de parole masculin qui, malheureusement, a été envahi par les femmes. Mais c'est quoi cette affaire-là? Ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on a le droit d'empester tout l'espace public. Ça, c'est vrai! Et pour ce qui est d'empester l'espace public, là, le Doc Mayo ici connaît. Comment fait foi ce commentaire de Stéphane Dupont de Radio X qui m'est revenu à l'esprit? Mais le Doc Mayo, là, j'ai soupé avec, là. Puis je vous dis qu'il sent le tour de bras. Oui. Ça n'était pas durant. Oui, il sent le swing. Entre les femmes qui empestent les tavernes et le Doc Mayou qui empeste le swing, mon choix est fait. De son côté, Jacques Brassard se désolait suite à la défaite du PQ des commentaires de certains à l'endroit de ce parti, à la grande surprise de Dominique Moret de Radio X. J'entends des commentaires souvent qui confinent au racisme puis proclame que le PQ est un parti raciste, xénophobe. Qui dit ça? Qui dit ça? Ben, il y a Dominique Moret, il y a deux mois. C'est du PQ tout craché, c'est du Marois tout craché, c'est de la snobinardise, et c'est quasiment du racisme. Ah, ils sont pas comme nous autres. Nous autres, on va se concentrer sur notre tribu, nous autres. Bon, c'était dans un autre contexte, mais c'est quand même un peu scarré dans son net, surtout qu'il parlait du refus de Pauline Marois de féliciter les anglophones de l'équipe de hockey du Canada. Pour rester dans le hockey, cette semaine commençait la série Canadien Tampa, d'où émergera, comme dans toute série qui se respecte, un héros obscur. Et selon Danny Dubé, ce sera Lars Eller, et pour une seule et unique raison. C'est un joueur parfait pour les séries pour une raison. Combativité. Espace restreint. Récupération de rondelles libres. Tout ça, là, Lars Eller fait très bien ça. Bon, Danny, il est pas fort en maths, là, mais de toute façon, je sais pas pourquoi je vous parle de ça. Si le hockey vous intéresse, vous êtes sûrement pas en train de nous écouter. Ceux qui nous écoutent en ce moment seront plutôt intéressés d'entendre que, suite aux propos de Xavier Dolan, qui a qualifié le marché du cinéma de consanguin, Éric Duhem a décidé d'inviter le nuancé Vincent Guzzo pour nous expliquer les problèmes de notre cinéma. On devrait faire des films qui reflètent notre culture. Malheureusement, un film d'un gars qui a des problèmes sur une ferme, puis homosexuel ou pas, pas convaincu, moi. Je vous dis pas que ça existe pas au Québec, mais c'est pas représentatif. D'ailleurs, all moi, right. J'ai un film représentatif en tête quand j'entends Vincent Guzzo, et c'est Elvis Graton. Terminons avec Denis Gravel de Radio X, qui était très insulté que des vedettes se plaignent d'être victimes d'intimidation sur les réseaux sociaux, parce que lui, plusieurs l'ont insulté en prédisant qu'il ne ferait pas long feu en onde, et voilà ce qu'il leur répond. C'est plate des fois, hein, prédire de quoi pis ça arrive pas. Rien que ça à vous dire, moi. C'est mature, hein? Bon, ben, je pense que Mario Dumont va devoir se raviser. Ça se peut, un cheval qui parle dans un micro. Bon. Eh ben, le printemps est finalement à nos portes, ce qui veut dire pour Montréal, le retour des Bixi. Et on a un journaliste réputé qui s'y est arrêté, on écoute. Vendredi 18 avril, il est 7h30 du matin, et si on écoute très fort, on peut entendre des bruits d'explosion à Montréal. Ce sont les bourgeons qui éclatent alors que le printemps chauffe la cime des arbres comme des lance-flammes à Hanoï dans les années 70. Pour la première fois de sa vie, le jeune néo-canadien Taman Fazoul saute sur un Bixi. Il enfourche le vélo comme il montait sur son âne têtu dans les montagnes afghanes qui entourent Kaboul. Et le voilà en route vers son usine de la rue Chabanel, où il fabrique des vêtements bon marché dans une ambiance suffocante. Le pédalier est difficile, il lui faut donner des bons coups, et cela lui rappelle sa femme qui a la tête dure. Mais au moins, il se dit que c'est une chance que son mariage soit arrangé, sinon il serait sûrement encore célibataire. Habitué d'éviter les mines antipersonnelles, il sillonne en zigzag l'avenue du parc, quand soudain, il tombe dans un nid de poules géant. Le trou fait 4 mètres par 2 mètres et ressemble étonnamment à la cachette de Bin Laden. Il restera piégé dans sa cache 72 heures, survivant en mangeant des petits morceaux de goudron et en buvant son urine. Finalement, un badaud l'aperçut en cherchant son chien Pug, égaré, et lui lança une corde pour le sauver exactement comme Taman aimerait qu'on sauve Bixi, même si les 24 millions de dollars pourraient servir à faire la guerre non pas aux talibans, mais aux nids de poules. C'était Mahmoud Ashrafi pour Reporter sans visière. Bon, on va terminer cette émission-là, on en a parlé à Jean-Sébastien. Jean-Sébastien? Allô? Ah! C'est désagréable, allez-y. Toujours évidemment, direct du spa Le Dernier Repos Plus Extra, toujours situé dans la Valtrie. Énormément de courriels ici pour la petite Mélanie Jolie. Je commence avec le premier, Mélanie, qui nous vient d'un décodeur de Montréal et qui me comme suit. Allô, ma crotte. Oui, j'ai un dossier à te faire piloter. Que dirais-tu de celui de transformer les nids de poules en spa urbain? Ben, au moins, des connards, il y aurait quelqu'un qui s'en occupe des nipoules. Ah! Boum! Boum! Bien envoyé. Deuxième courriel qui va comme suit. Allô, ma pinotte. Si la mairie de Montréal devait échapper une seconde fois, est-ce que tu serais game de venir te présenter ici à Saint-Jérôme? J'ai de bons contacts. Et c'est signé Pierre-Carl P. Alors, est-ce que c'est un ami à vous, ça? Un très bon ami à vous? Ça me dit vaguement quelque chose, mais pas quelqu'un que je connais intimement. Ah! OK. Vous êtes sûr? Complètement. Convaincu. Vous le jurez sur la crucifixion de Jésus? Je suis déterminée à dire que c'est faux. Et un dernier courriel qui va comme suit. Allô, ma beau-presse. Je m'explique mal que Radio-Canada vous donne autant de tribunes. Selon moi, vous valez pas 5 cents. Bon, c'est bien violent. Et c'est signé J. Snyder. Je dirais, l'offre est refusée. Mélanie, c'est déjà terminé, alors je t'invite à aller te habiller. Merci encore une fois beaucoup de t'être prêté au jeu. Et pour répondre à ta question, non, malheureusement, Radio-Canada ne peut pas payer pour la robe stripless que tu t'es acheté pour venir faire l'entrevue. Merci beaucoup. Oh, merci, Mélanie. On va être obligé de les lire dans pas longtemps. Hey, merci. Wow. Merci de nous avoir écoutés. Restez à l'écoute. Dans quelques minutes, c'est la Bibliothèque de René. Merci à toute l'équipe qui a participé à l'émission de ce soir. Marie-Hélène Racicot, Steve Côté, Jean Gagnon, Philippe Roberge. Un gros merci à nos invités, évidemment. Mélanie Joly, Edith et Alexandre. Merci d'être venus. Ça a été un réel plaisir. C'est vrai? Moi, je reviens quand tu veux. Vraiment. Ah oui, hein? Oui, ah, j'ai parfait. Okay. Pour l'écouter, c'est oui, aussi, un hein. moyen plaisir. Ah, c'est super bon pour l'NPD. On vient de se rappeler que ça existe. Là. Voyons. OK. Okay. Si vous tripez sur l'émission, vous nous écoutez sur iTunes en balado. Et si vous voulez venir assister à l'enregistrement de l'émission, ça se fait les vendredis. 16h, vous nous envoyez un courriel, nos invités la semaine prochaine, Valérie Blais et le nouveau peut-être ministre libéral Robert Poitier. Ici Jean-Philippe Vautier qui vous souhaite de profiter de cette soirée qui est encore jeune.